Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. C'est une aventure qui débute dans la basse-cour avec une oie. Il s'agit de l'attraper pour lui prendre ses plumes. Pas n'importe lesquelles, les plus belles, les plus grandes, celles que l'on appelle les rémiges. Elles sont situées au bout de l'aile. Une grosse oie n'en offre qu'une dizaine. Maintenant que nous avons notre plume, il faut la nettoyer car elle est couverte de graisse, cette graisse animale qui la rend imperméable. La plume doit être trempée, puis séchée, puis durcie, des étapes essentielles. La plume est prête, il faut la tailler maintenant, c'est tout un art, un canif bien aiguisé fera l'affaire. Le geste doit être précis, attention à ne pas vous couper. Et il ne nous reste plus qu'à manier la plume, tremper la pointe dans l'encre pour écrire. Mais elle demeure fragile, elle se casse, elle s'use, il faut la tailler de nouveau, en prendre très vite une autre. Combien de plumes faut-il pour écrire une lettre ? Ah, qu'il en faut des volailles pour une correspondance. Pendant ce temps, dans la basse-cour, les oies vivent leur vie sans se douter qu'elles sont en train d'écrire les œuvres de Voltaire, de Rousseau et les lettres de Madame du Deffand, de Madame Roland et de Vigée Lebrun. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, témoignait de son temps par ses écrits intimes, par sa correspondance ou par son journal des frères Goncourt à Madame Roland, dont nous allons parler aujourd'hui, des lettres de soldats pendant la guerre à celles des civils, comment tous ces documents reflètent l'esprit de leur auteur et celui de leur temps. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire, pour parler de ces émissions. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, donc, trois femmes à notre rencontre, mais j'ai envie de dire quatre femmes parce que l'ouvrage s'intitule Trois femmes, Madame du Deffand, Madame Roland et Madame Vigée Lebrun. Et son auteur est une autre femme, Cécile Berly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, auteur, vous êtes spécialiste du 18e siècle et de l'histoire des femmes. Vous avez notamment travaillé, Cécile Berly, sur Marie-Antoinette et la correspondance de Madame de Pompadour. Et là, vous venez aux éditions passées composées avec un ouvrage intitulé « Trois femmes, Madame du Deffand, Madame Roland et Madame Vigée Lebrun ». Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi ces trois femmes? Pourquoi ce choix-là? Elles n'ont pas été prises au hasard, j'imagine. Ah bien sûr, ces trois femmes, elles sont à la fois totalement différentes et parfaitement complémentaires. Elles incarnent chacune à leur façon, chacune à leur manière, trois temps différents de l'histoire du XVIIIe siècle. Elles incarnent aussi trois groupes sociaux différents. Pour Madame du Deffand, c'est bien sûr l'aristocratie. Pour Madame Roland, c'est la bourgeoisie, une bourgeoisie totalement conquérante au cours du XVIIIe. Et puis enfin, Vigée Lebrun, c'est l'artiste bohème, cet artiste absolument incontournable dans l'histoire de l'art au XVIIIe. Et leur principal point commun à ces trois femmes, eh bien, c'est que l'écriture a occupé une place tout à fait importante dans leur parcours de vie, dans leur trajectoire, et c'est ce que j'ai voulu montrer en quoi l'écriture, et en particulier, bien sûr, l'écriture de lettres, occupait une grande partie de leur temps chaque jour. Cécile Berly, il y a aussi cette notion de temporalité. Ce ne sont pas des femmes exactement du même moment. Et ça, c'est intéressant dans votre choix. Ces trois femmes, Madame du Deffand, Madame Roland et Madame Vigée Lebrun, couvrent en fait tout le XVIIIe siècle. On pourrait même l'étendre un peu. Ce sont trois moments différents. C'est Madame du Deffand qui naît la première. Elle naît même à la toute fin du XVIIe siècle. Et évidemment, elle va incarner, c'est une femme qui a vécu très longtemps, puisqu'elle naît à la fin du XVIIe, elle meurt au mois de septembre 1780, donc c'est vraiment aussi une histoire sur le temps long du XVIIIe siècle. Donc Madame Roland et Madame Vigée Lebrun naissent toutes les deux au milieu du XVIIIe siècle. En ce qui concerne Madame Roland, nous le savons tous, elle meurt encore fort jeune au moment de la Révolution. En revanche, Madame Vigée Lebrun, elle, va mourir très âgée et au tout début des années 1840. Donc l'intérêt aussi en réunissant ces trois femmes, c'est que ce sont évidemment trois temporalités différentes et parfaitement complémentaires et qui permettent aussi, bien évidemment, d'inscrire l'histoire de la lettre, l'histoire de l'épistolaire dans un temps long, pour montrer justement à quel point le XVIIIe siècle est vraiment le siècle de la lettre. Oui, un siècle où l'on écrit beaucoup, et en l'occurrence vous, Cécile Berly, vous avez porté votre regard sur l'écriture de femmes avec ce document historique exceptionnel qu'est la lettre. Alors, le document exceptionnel, on n'a pas besoin d'être un historien de grande formation pour s'en rendre compte, parce que en tant qu'individu, simplement, retrouver une vieille lettre crée de l'émotion, parce que dans la lettre, l'on peut espérer trouver un contenu que l'on n'aura jamais dans les archives administratives. Alors ça, bien évidemment, quand on travaille sur ce type de document, il y a évidemment une dimension très sensible, très touchante. Hein. Bien évidemment, on a vraiment l'impression de rentrer au cœur d'une intimité, même si dans l'histoire de la lettre au XVIIIe siècle, et je pense en particulier à Madame du Deffand, il faut peut-être le rappeler, qui a été l'une des plus grandes salonnières de l'histoire du XVIIIe, la lettre n'a pas seulement vocation à être lue de façon privée, comme elle n'a pas d'ailleurs vocation à être rédigée à des fins seulement privées. Madame du Deffand, elle est en correspondance avec un certain nombre de grandes figures intellectuelles d'Europe. Je pense en premier lieu, bien sûr, à Voltaire. Et dans sa façon de recevoir ses invités, ses fidèles dans son salon, j'ai envie de dire que, en quelque sorte, le point d'orgue de ces moments passés dans le salon de Madame du Deffand, c'est quand on lit de façon publique les lettres du grand homme qu'était Voltaire, comme évidemment le moment où on lisait les réponses que Madame du Deffand avait pu lui adresser. Donc, il y a aussi, au cours du XVIIIe siècle, une ambivalence liée à la forme littéraire même de la lettre. C'est-à-dire que toutes les lettres n'ont pas vocation, loin de là, à être seulement privées. Mais si on s'attarde justement sur le cas de Madame du Deffand, on voit aussi que dans tous ces corpus de lettres, dans tous ces corpus épistolaires, au fur et à mesure qu'elle vieillit, il y a des lettres qui très clairement sont seulement privées, pour ne pas dire intimes. Et c'est ce que j'ai voulu aussi démontrer avec ce livre, en réunissant ces trois femmes, c'est que à partir de la lettre, on assiste très clairement à la construction, qui est pour moi un mot-clé du XVIIIe, de l'intime, à la construction de l'intime et de l'intimité progressivement au cours du XVIIIe siècle. Oui, il y a quelque chose qui nous intéresse ici, c'est la place de la femme dans la société, et de femmes particulières en l'occurrence, puisqu'elles ont accès à l'écriture. Et puis, quand vous évoquez Madame du Deffand, il y a quand même tout un contexte à mettre en place. Comment devient-on une personne de cette société, de ce monde des lettres? Comment tient-on salon au XVIIIe siècle? Quel a été son parcours pour en arriver là? Madame du Deffand, elle fait partie, par sa naissance et par son mariage, de ces vieilles familles françaises qui ont connu, c'est assez banal de le dire, des revers de fortune. Madame du Deffand aurait dû évoluer à la cour de Versailles. Elle a des liens forts avec cette cour, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Par ailleurs, elle a eu aussi, et c'est très important, même si elle a eu tendance à réécrire son histoire, elle a été très très liée à la cour du régent. Elle a été une figure très clairement incontournable de l'histoire de la régence, pour, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire, parce que on relit depuis quelques années un peu différemment l'histoire du régent et de la régence. Ça a été évidemment une période de décadence, mais ça a été aussi une période de grandeur. Du point de vue politique ou culturel, le régent et tous ceux qui ont pu graviter dans son entourage le plus proche ont été aussi des figures, pas seulement d'un libertinage éhonté, mais aussi des figures brillantes à la cour du régent. Et elle n'a pas réussi que par le corps, Madame du Deffand. Elle a réussi aussi, et j'ai envie de dire, surtout par son bel esprit. Eh bien justement, Cécile Berly, je vous propose un extrait d'un film que la fête commence, essentiel quand on parle de la Régence, cette période, après la mort du roi Louis XIV et avant que Louis XV soit assez grand pour régner seul, que la fête commence de Bertrand Tavernier, un film de 1975 avec Philippe Noiret, mais aussi la misère, le désespoir et le crime. Nous voulons voir Monseigneur le Régent. Qui êtes-vous? La misère, le désespoir et le crime. S'il est un lieu où la misère, le désespoir et le crime sont les bienvenus, c'est ici. Vous êtes mes plus fidèles sujets. Tel que le roi Louis XIV, mon oncle, vous a donné à moi, je vous laisserai à mon neveu Louis XV qui vous transmettra à son successeur encore plus nombreux. Car la misère, le désespoir et le crime font beaucoup d'enfants. Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence. Ah ! Magnifique ! Je crois que l'on peut me donner la palme, non ? C'est moi le plus misérable. Je suis le système de l'as. Autrement dit, la banqueroute, la faillite, le vol. Et moi, je suis la grande dame du royaume. Et je suis venue chercher un mari. Le masque ! Le masque ! Oh. À qui allez-vous me marier ? À la banque, naturellement. Quel beau couple. La misère et la banque. Quelle belle noce. Allez, venez. Un extrait du film Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Effectivement, nous avons ici un personnage essentiel de la Régence avec Madame Dudefant. Alors, elle est une figure incontournable de la Régence, du Palais Royal. Elle va devenir très vite aussi une figure incontournable de la fameuse cour de Sceaux, qui est sous l'autorité très très très forte de la duchesse du Maine. Là, pareil, il y a une figure assez assez décadente, assez libertine, mais aussi brillante, parce que Madame Dudefant, très jeune, va se distinguer par sa culture générale, par son bel esprit, et très vite, elle va s'exercer à l'art de la lettre. Donc, tout son parcours, qu'elle va, encore une fois, essayer de reconstituer et de réécrire, en quelque sorte. C'est aussi un parcours assez brillant. Et elle va progressivement passer de l'oralité, par l'art de la conversation, à l'art de l'écrit, en prolongeant, bien sûr, par la lettre, l'art de la conversation qu'elle maîtrise au plus haut point. Et elle va devenir la plus grande épistolaire de langue française au XVIIIe. Cécile Berly, je vous propose justement d'écouter une lettre de Madame Dudefant. Elle est écrite à Voltaire, et oui, quand même, quel correspondant. Elle date du 2 décembre 1775 et elle nous est lue ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Camille André. Je suis très persuadée, mon cher Voltaire, que nous serions souvent d'accord. Je n'ai point ajouté foi à vos nouvelles dignités. J'ai fait semblant de les croire pour vous agacer. Cela m'a réussi, j'en suis fort aise. Je ne crois pas non plus à vos apoplexies. J'ai eu, en même temps que vous, presque la même indisposition, que j'ai regardée comme la suite de plusieurs mauvaises digestions, quoique j'eusse fait diète, ainsi que vous, la veille et la surveille. Il me reste des étourdissements qui pourraient bien avoir un faux air de disposition apoplectique, mais qu'importe. Il faut finir, cette manière n'est peut-être pas la pire. Ah, c'est bien moi qui ai des regrets de ne pouvoir espérer vous revoir. Mais c'est peut-être tant mieux, vous m'auriez trop attaché à la vie. Écrivez-moi souvent. Je voudrais avoir de vos lettres tous les jours. Elles m'affermissent dans le bon goût, que l'on attaque de toutes parts. Tout Chanteloup arrivera la semaine prochaine. C'est une grande joie pour moi. Je montrerai votre dernière lettre. Et je parlerai beaucoup de vous. Camille André qui nous lisait une lettre de Madame Dudefant à Voltaire. Alors, cette lettre est une lettre particulière puisque c'est la dernière écrite et une lettre qui n'a pas de réponse. Cécile Berly, ce que nous apprend cette correspondance, vous nous avez bien dit que ces lettres ne sont pas des lettres intimes, elles sont destinées aussi à être lues dans les salons. Que veut nous dire cette correspondance ? Quelle place a-t-elle dans les échanges culturels ? Et là, en l'occurrence, vous avez votre regard porté sur les femmes, ce qui est particulièrement intéressant pour le XVIIIe siècle. Alors, comme vous le dites très bien, cette correspondance entre Madame Dudefant et Voltaire, tous deux sont absolument conscients qu'ils créent un véritable chef-d'œuvre, à la fois épistolaire, bien sûr, mais aussi littéraire. C'est avec ce genre de correspondance qu'on va justement donner au cours du XVIIIe siècle ces lettres de noblesse à la lettre. Et Madame Dudefant et Voltaire, qui ont de grandes affinités intellectuelles, de grandes acquaintances même d'ordre personnel, sont tout à fait conscients l'un comme l'autre de la valeur littéraire de cette correspondance. On pourrait dire, à propos de cette correspondance, que ils font œuvre littéraire et ils sont aussi dans une perspective de joute oratoire, c'est-à-dire qu'ils aiment écrire bien évidemment, Ils aiment la rhétorique. Ils aiment batailler à l'oral comme à l'écrit. J'ai envie de vous citer là les très beaux mots de Chantal Thomas, qui est pour moi évidemment un auteur absolument essentiel. Elle le dit très bien. La seule chose qui n'ennuie pas Madame Vieux-de-Fans, c'est le langage, que ce soit le langage à l'oral ou à l'écrit. Madame Vieux-de-Fans et Voltaire ont été considérés de leur vivant et qui plus est, hein, par exemple, grâce à des critiques littéraires au cours du XIXe siècle, je pense en particulier à Sainte-Beuve, comme les deux plus grands auteurs de langue française de toute l'histoire littéraire du XVIIIe. Et puis notre regard se porte aussi sur l'histoire sociale. Madame Vieux-de-Fans est un personnage qui échange avec Voltaire, qui a un salon, donc qui a des moyens, qui a de l'argent, ça coûte cher. Il faut une forme d'autonomie. Ce n'est pas permis à tout le monde pour une femme au XVIIIe siècle et cela dépend également des parcours. Alors, il y a sans doute des choix et des volontés, mais il n'y a pas que ça. Comment se construit le destin d'une salonnière? Comment peut-on obtenir son indépendance, en fait, quand on est femme au XVIIIe siècle? Alors, Madame Vieux-de-Fans va obtenir son indépendance grâce au mariage. Bien évidemment, elle ne se marie pas par amour, comme nous pouvons tous nous en douter. Elle se marie, elle épouse Monsieur Vieux-de-Fans, qui est un membre de sa famille, essentiellement pour des questions de prestige social et d'argent, parce que Monsieur Vieux-de-Fans était un homme tout à fait riche. Et à peine mariée, elle va, si j'ose dire, redéfinir les termes de son contrat social, en quelque sorte. Elle qui détestait Rousseau, elle le dit très clairement à Monsieur Vieux-de-Fans. On peut résumer ça en deux points. Il est hors de question qu'elle vive dans leur château de province situé au fin fond de la Bourgogne, puisqu'elle déteste la campagne, elle déteste la nature. Et par ailleurs, il est hors de question qu'elle ait une vie maritale. Donc ça veut dire que, très clairement, par le mariage, elle va s'acheter sa liberté, cette forme de liberté qui était très clairement offerte seulement aux femmes qui étaient bien nées et qui avaient fait un mariage qui leur apportait bien sûr tout le confort matériel et cette indépendance financière auquel bien peu de femmes ont pu avoir accès au cours du XVIIIe siècle. Et justement, dans les portraits de femmes que vous avez choisis, Cécile Berly, il y a une autre femme du XVIIIe siècle qui n'est pas du tout de cet univers-là, même si elle le fréquente. C'est le portrait de Madame Vigée-Lebrun. J'utilise ce mot portrait parce qu'elle est peintre et elle est portraitiste. Madame Vigée-Lebrun est quelqu'un qui fréquente la cour. Elle est proche de ces gens-là, vu qu'elle les représente sans cesse. Elle ne vient pas du même univers, et pourtant, elle est elle-même reconnue. Quels sont ces parcours similaires? Pourquoi les avez-vous associés ici? C'est plus par complémentarité ou par comparaison? J'ai envie de dire les deux. Parce que, effectivement, si on veut vraiment avoir une vue d'ensemble sur cette histoire du XVIIIe, une histoire à la fois féminine, mais aussi épistolaire, il y a évidemment des points communs, il y a des analogies entre ces trois parcours de femmes, il y a aussi évidemment des différences majeures. Dans le cas de Madame Vigée-Lebrun, eh bien, elle est née dans le milieu de cette bourgeoisie à la fois petite et moyenne, d'ailleurs plutôt moyenne, bourgeoisie moyenne pour Madame Vigée-Lebrun, puisque son père lui-même était artiste peintre, il était portraitiste plutôt réputé, en particulier pour l'art du pastel, qu'elle va évoluer dans ce Paris artistique et bohème évidemment dès sa naissance, et surtout elle va réussir, parce qu'il faut le dire, cette femme a du génie. Elle a un génie de peintre qui est absolument incontestable, que l'on a enfin réhabilité, si j'ose dire, ces dernières années, en redécouvrant et en apprenant à regarder autrement les portraits réalisés par Madame Vigée-Lebrun, que ce soit bien sûr, comme vous l'avez rappelé, les portraits de la cour et de la famille royale, et comment ne pas citer, comment ne pas mentionner la reine Marie-Antoinette. Mais elle a évidemment un parcours tout à fait atypique, puisque d'une part elle va réussir à faire carrière dans la peinture et en particulier dans l'art du portrait très jeune. Vigée-Lebrun, c'est une femme peintre, une femme artiste qui va avoir une clientèle richissime dès sa 15e, 16e année. Donc ça veut dire qu'elle va réussir socialement et aussi financièrement très jeune. Et elle va faire partie justement de ces femmes qui, au cours du XVIIIe siècle, va avoir cette indépendance financière qui est absolument presque inédite, totalement atypique encore dans l'histoire du XVIIIe. Vigée Lebrun, hein, tous ces cachets qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu accumuler tant qu'elle va vivre en France, c'est-à-dire jusqu'au début du mois d'octobre 1789, elle devait reverser, puisque c'était la règle maritale, elle devait reverser l'argent qu'elle gagnait à son mari. Quand elle va quitter la France, en raison évidemment des circonstances liées à la Révolution, elle va avoir cette indépendance financière pleine et entière, et ce jusqu'à la fin de son existence. Là-dessus, elle est totalement atypique. C'est probablement des trois la plus libre, c'est probablement des trois la plus indépendante, et quelque part la plus transgressive, alors que d'un point de vue strictement politique, elle était de très loin la plus conservatrice, pour ne pas dire la plus réactionnaire. Oui, avec toujours la conscience que nous avons trois personnages, trois cas, et que cela n'est pas généralisable, d'autant plus que ces personnages ont un destin différent de leurs contemporains, de leurs contemporaines. C'est le cas de Madame Vigée Lebrun. Je vous propose une archive de l'émission Ombre et Lumière. C'était en juillet 1972, où Dominique de Santi, Madame Dominique de Santi, évoquait une autre Madame Vigée Lebrun. Madame Vigée Lebrun était invitée aux séances de l'Académie. Et un jour, un membre de l'Académie française a lu une ode en son honneur, où elle était nommément citée, et quand son nom a retenti, les académiciens et le public se sont levés et se sont tournés vers la tribune du public où elle était et ont applaudi. Suprême honneur pour une femme peintre, Madame Vigée Lebrun eut droit à la protection de la reine Marie-Antoinette, dont elle fit le portrait. Madame Vigée Lebrun savait rendre un portrait, rendre une ressemblance, c'est-à-dire donner à celle qui avait commandé le portrait l'impression que c'était bien ça. Autrement dit, elle peignait l'image que l'autre avait d'elle-même. Et c'est ce qui a fait sa fortune, une grande fortune d'ailleurs. Parce qu'elle était fille de peintre, la société avait admis sans étonnement qu'elle prît à son tour les pinceaux. D'autant plus que sa peinture se rattachait à un courant sentimental dont Greuze était le grand représentant. Dans l'émission Ombre et Lumière en 1972, Madame Vigée Lebrun, donc, qui est reconnue, honorée, la société avait admis qu'elle prit les pinceaux car elle était fille de peintre. Avec un personnage tel que Vigée Lebrun, nous avons vraiment quelque chose où se croisent en fait plusieurs analyses. Donc l'indépendance de la femme parce qu'elle est peintre, l'acceptation parce qu'elle reste malgré tout dans son milieu social, et puis un parcours original parce qu'elle se distingue des autres. C'est vrai qu'il faut le souligner, hein, Cécile Berly, le portrait de vos trois femmes ne peut pas s'appliquer à l'ensemble de la population. Là, nous sommes en pas de côté, en fait, dans l'exception plutôt. Ah, tout à fait, et en même temps, alors je suis évidemment d'accord avec avec cette analyse, et en même temps, c'est aussi en cela qu'elles sont évidemment très intéressantes, c'est qu'elles se sont appropriées en largement les normes, les limites qui étaient aussi imposées à la condition aux femmes parce qu'elles étaient justement femmes. Et on le voit très bien à partir justement de la pratique de l'écriture. Et si on met tout ça évidemment en perspective dans une histoire qui n'est pas celle que j'ai voulu faire, hein, c'est pas une histoire littéraire, c'est plutôt une histoire sur comment les femmes vont gagner en indépendance, en liberté, tout en restant, si j'ose dire, dans le format très limité de la forme épistolaire. Parce que par l'écriture, elles vont faire œuvre de liberté, de création, d'indépendance. Ces femmes vont chacune à leur tour, de façon à la fois très différente, mais également très complémentaire, écrire, rentrer en écriture. Mais elles ne vont pas forcément, voire pas du tout, avoir de prétentions littéraires. C'est-à-dire qu'elles vont distinguer d'un côté ce qui est le fait d'écrire et de l'autre côté ce qui est le fait de publier, de faire paraître. Ces femmes ne s'intéressent pas du tout à des questions telles que qu'est-ce qu'être un auteur? Est-ce qu'on parle d'auteur, d'autrice, d'écrivain, d'écrivaine? Elles n'ont aucune prétention à être des femmes de lettres. Non pas parce qu'elles sont sans talent, parce qu'elles n'ont pas d'ambition littéraire, mais en tout cas, elles n'ont pas d'ambition à des fins professionnelles. Elles ne revendiquent pas ce statut de femme de lettres. Et ça, je pense que on aurait à y gagner, que ce soit dans le domaine strictement de l'histoire ou d'une histoire plus littéraire, à comprendre que pour ces femmes, écrire, ce n'est pas forcément faire paraître, ce n'est pas forcément faire œuvre d'auteur. Cécile Berly, elles n'ont pas cette ambition de faire paraître, alors peut-être par choix personnel, mais aussi sans doute par impossibilité. Dans le champ littéraire du XVIIIe siècle, une femme auteur est quelque chose de très difficile, voire inimaginable. Il y a aussi cette dimension-là, dans la volonté de s'insérer dans un champ, le mieux est de trouver un biais quand des portes se ferment devant nous sans cesse. Bien sûr, et on le voit, alors, ce que je viens de dire, hein, ça couvre vraiment l'ensemble de l'histoire du XVIIIe siècle, au demeurant, on voit qu'il y a un moment de bascule. Et ce moment de bascule, on peut très bien l'étudier à partir de la figure, bien sûr, de Madame Roland. C'est avec la Révolution, c'est-à-dire où très clairement on est dans une autre histoire, dans la construction d'un autre temps, d'une autre époque, et on révolutionne absolument tout en profondeur. Madame Roland, quand elle est en prison, elle écrit, elle noircit page sur page, elle écrit évidemment des lettres par dizaines et des lettres très très longues. Elle va aussi évidemment écrire ses fameux mémoires qui sont un véritable chef-d'œuvre de la littérature du moment de la Révolution. Et elle le dit, hein, si c'était à refaire, elle aimerait être le nouveau Tacite, le Tacite de la France. C'est-à-dire que là, elle va, par l'expérience de la Révolution, par l'expérience politique, et c'est une expérience où elle n'a jamais pris la parole, elle va basculer dans un autre temps, où justement, elle se dit que si c'était à refaire, eh bien, elle aurait aimé justement être femme de lettres. Dites-nous, Cécile Berly, dans le contenu de cette lettre, qu'est-ce qui transparaît de l'intime? Cette notion d'intime est toujours très compliquée à manier. Qu'est-ce qui est identifiable dans ces lettres comme quelque chose qui n'aurait pas pu être publié sous forme de livre? Qu'est-ce que nous apportent ces lettres de plus? Ce qu'elles nous apportent, c'est qu'on voit à quel point ces femmes ont aimé écrire. Et elles vont écrire à des correspondants et à des correspondantes très différents les uns des autres. À partir de ces lettres, on peut voir à quel point, par la lettre justement, elles existent. C'est-à-dire que le format de la lettre leur permet justement d'être en correspondance avec les autres, que ce soit des amis femmes ou des amis hommes, que ce soit évidemment dans un domaine plus amoureux. Il faut pas forcément imaginer, justement, quand on a la volonté de travailler sur cette construction de l'intime, de découvrir dans ces lettres des choses un peu scabreuses, un peu transgressives, loin de là, parce qu'elles ne vont pas forcément s'épancher justement sur des choses qui relèvent justement par exemple du corps, pas forcément. Ce sont en revanche des choses qu'on peut retrouver dans des correspondances, comme par exemple celle de la reine Marie-Antoinette, hein, pour le coup, le corps est très présent, hein, dans cette correspondance. Mais là, c'est évidemment encore autre chose. Mais avec Madame du Deffand, Madame Roland et Madame Vigée-Lebrun, on s'aperçoit que la lettre, c'est vraiment pour elle probablement le moyen le plus efficace et le moyen qu'elles aiment le plus pour exister et pour être en correspondance avec leur entourage, que ce soit un entourage proche, amical, familial, mais aussi, hein, pour être en correspondance avec des esprits avec lesquels elles n'auraient pas forcément pu rentrer en conversation, en discussion, hein. Avec Madame du Deffand, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être par exemple un Voltaire, certains esprits, hein, les plus brillants du XVIIIe, mais ça peut être aussi par exemple dans le cas de Madame Roland avec un très grand nombre d'hommes qui étaient au cœur du processus révolutionnaire. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, témoignait de son temps par ses écrits intimes, par ses correspondances et oui, par son journal. Et aujourd'hui, nous sommes au 18e siècle. Le petit chat est mort. Ah ben non, ça, ce n'est pas le 18e siècle. Et pourtant, le petit chat est mort. C'est un projet musical de Sophie Kahl, la sublime Sophie Kahl. Un projet musical dédié à son chat mort. Oui, Sophie Kahl qui fait un art de sa vie intime. Nous l'entendons, vous allez voir, c'est un bijou. Découvert par notre réalisateur, le réalisateur du cours de l'histoire, Alexandre Manzanares. Le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil, Sophie, la vie, la mort, Sophie Kahl, Albin de la Simone, Pierre Lapointe. Je te salue la vie, j'espère que tu vas bien. Ce matin je souris, oui, mais je pleure aussi. Dis pourquoi ce qu'on aime, pourquoi ce qu'on chérit parte si tôt là-haut, même si c'est le paradis. Je te salue, Sophie, je vais très bien, merci. Je connais ta tristesse, car je l'ai moi aussi. Même si j'ai le pouvoir de vous donner la vie, c'est la mort qui décide qui tue et qui trie. Je te salue, la mort, j'espère que tu vas bien. Ce soir le ciel est noir, ma nuit est un chagrin. Pourquoi m'as-tu volé le plus beau des félins, celui qui aimait tant dormir entre mes seins. Je te salue, Sophie, je vais très bien, merci. Face à mon jugement, il vous faut rester fort. J'équilibre la vie en vous jetant des sorts. Dieu seul sait vraiment si j'ai raison, si j'ai tort. Voyez comme la peine a fait de moi sa reine. Dans une boîte en bois, j'ai placé mon ami. Il restera sous terre, serein comme endormi, enrobé de velours et couvert de rubis. Tu sais, belle Sophie, votre présence ici sert à préparer les départs, les peines et les deuils. Comme une triste prière, comme l'automne sur les feuilles, chacune des routes mène au sommeil du cercueil. Chacune des routes mène au sommeil du cercueil. Chacune des routes mène au sommeil du cercueil. Sophie, la vie, la mort, c'est Sophie Kahl, Albin de la Simone, Pierre Lapointe, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire au XVIIIe siècle, à la rencontre de trois femmes, Madame du Deffand, Madame Roland, Madame Vigée-Lebrun. Avec vous, Cécile Berly, pour nous parler de ces destins croisés de femmes. Et ce qui nous intéresse, ce sont leurs correspondances. Il y a une femme drôlement intéressante dans cette histoire aussi, c'est Madame Roland. Madame Roland, par son cheminement et par sa fin qui nous a marqué. Elle est guillotinée en 1793. Madame Roland vient d'un autre univers que les deux autres femmes que vous étudiez. Elle n'est pas dans ce monde de la grande aristocratie. Elle ne vient pas du monde de l'artisanat, c'est-à-dire de la peinture. D'où vient-elle ? Alors, Madame Roland, la future Madame Roland, est née vraiment au cœur de Paris, puisqu'elle est née sur l'île de la Cité. Son père appartenait à ce qu'on appelle l'artisanat d'art. Il avait un atelier à la fois de gravure, d'orfèvrerie. Donc c'est la petite bourgeoisie parisienne. Ses parents ont eu plusieurs enfants, même on peut dire de nombreux enfants, et elle est la seule à avoir survécu. Elle va faire preuve très tôt de qualité intellectuelle tout à fait impressionnante. Très très jeune, elle apprend à lire, puis à écrire, on peut dire quasiment toute seule, que c'est une enfant précoce. C'est une enfant surdouée qui a des facultés absolument impressionnantes pour absolument tout apprendre. Et Très très tôt dans son existence, l'écriture, et évidemment en premier lieu l'écriture de lettres, va faire partie de son quotidien. Une Madame Roland, comme par exemple une Madame du Deffand, ce sont des femmes qui tous les jours vont consacrer plusieurs heures à la pratique de l'écriture de lettres. Même si, par exemple, quelqu'un comme Madame Roland ne va pas seulement écrire des lettres, hein, elle va écrire un très très grand nombre d'écrits dans des genres littéraires assez différents les uns des autres. Elle va écrire de petits romans philosophiques, des dissertations, des discours métaphysiques. C'est une femme qui a soif, boulimie de connaissances et qui a soif d'écriture. Et donc c'est une jeune fille. Les lettres les plus anciennes dont nous possédons encore la trace manuscrite, ce sont des lettres qu'elle a pu écrire dans sa 16e année. Ce sont des lettres à chaque fois très fleuves. C'est une bavarde, hein, Madame Roland, du moins à l'écrit. À l'oral, on l'entend peu, voire jamais. Nombre de ses contemporains, que ce soit avant ou pendant la Révolution, insistent sur le fait, et je ne crois pas que ce soit seulement une question de propagande politique, sur le fait qu'ils n'ont jamais entendu le son de sa voix. En revanche, ses lettres, hein, font plusieurs feuilles, plusieurs feuillets. Et donc très tôt, l'écriture de lettres rentre dans sa vie, et on peut même dire que ça fait partie, si j'ose dire, de son hygiène de vie, d'écrire tous les jours des lettres, avec toutes les qualités que ça que cela exige, c'est-à-dire avoir évidemment du temps, ça c'est pas une qualité, mais des qualités de réflexion, d'introspection, des qualités évidemment de rédaction. Souvent, on associe, et de façon évidemment péjorative, l'écriture de la lettre à la condition féminine, parce que la lettre serait écrite comme ça au fil de la plume. Moi, je pense que c'est absolument l'inverse. Il y a évidemment une liberté dans l'exercice littéraire de la lettre, mais Madame Roland, et on s'en aperçoit dès ses premières lettres, donc très jeune, à quel point c'est un esprit structuré, organisé et qui sait parfaitement argumenter. Et toute la rhétorique, comme toute l'argumentation qu'elle maîtrise ô combien, c'est grâce à cette formation épistolaire. Et d'ailleurs, dans toutes les correspondances qu'elle a pu avoir, des correspondances amicales, amoureuses et puis évidemment après politiques, elle-même le dit. L'écriture de lettres, l'écriture épistolaire a été de très loin sa meilleure formation pour savoir argumenter et structurer sa pensée. Cécile Berly, il y a quelque chose en plus que l'on trouve chez Madame Roland, ce serait peut-être une forme de violence, ou une forme de violence en tout cas, c'est ce qu'explique Mona Ozouf. Mona Ozouf, dans l'émission Les Guetteurs du siècle, l'émission de Jacques Chancel, c'était sur France Inter en janvier 1995. Il y avait beaucoup de violence chez elle, oui. Et c'est ça qui est un peu l'énigme chez elle, c'est l'alliance entre la douceur des sentiments, le sentiment maternel, par exemple, le goût pour les occupations paisibles et bucoliques, presque, et puis le radicalisme politique. C'est effectivement ça l'énigme, et je pense que l'énigme tient à un trait de son caractère qui est l'impatience. Et Madame Roland est quelqu'un qui ne supporte pas d'attendre. Mais on peut dire que c'est une figure de la Révolution française. Ah oui. C'est quand même quelqu'un qui a laissé des textes magnifiques. Les mémoires écrits dans la prison sont magnifiques. Et il y a aussi chez elle quelque chose qui est très attachant et qui est cette sorte de désinvolture à l'égard de la mort qui est un trait typiquement du XVIIIe siècle, qui est tout à fait aux antipodes du pathos romantique sur la mort. Mona Ozouf en janvier 1995 qui nous parle de Madame Roland en disant que ce n'est pas le même rapport à la mort qu'au XIXe siècle. Est-ce que ces femmes du XVIIIe siècle ont quelque chose de vraiment particulier en reflet de leur temps? Je vous pose cette question parce que le XVIIIe siècle est souvent synthétisé comme le siècle des Lumières, des philosophes. Or, il y a d'autres formes de pensée et il n'est pas obligatoire de suivre les philosophes. Alors, comment les analysez-vous, ces femmes, cette production littéraire sous forme de lettres dans l'histoire de la place de la femme? Est-ce que c'est un moment particulier, une amorce, une fin de quelque chose? Si on prend la première de ces trois femmes, Madame du Deffand, qui a côtoyé quasiment tous les philosophes des Lumières, qui les a reçus bien évidemment hein, chez elle, on peut même dire de façon tout à fait privilégiée, Madame du Deffand, c'est sa pensée, c'est celle des anti-lumières. Elle ne supporte pas les philosophes des Lumières, elle les trouve très clairement arrogants, elle-même revendique son athéisme, mais cela dit, quand elle échange avec Voltaire, elle aime la plume, elle aime le style, elle aime le bel esprit. Quand Voltaire, l'homme des combats, est pris de tolérance, qui lutte contre l'obscurantisme de l'Église, Madame du Deffand, ce Voltaire-là, elle ne l'aime pas, et je dirais même qu'elle ne peut pas le supporter, elle ne peut pas le comprendre. Madame Roland, qui est évidemment très proche des philosophes des Lumières, c'est une rousseauiste totalement convaincue, évidemment, elle va aussi rentrer en opposition, et elle va faire aussi preuve d'ambivalence à l'égard de certains représentants de ces philosophes des Lumières, je pense par exemple à Robespierre. Donc bien évidemment, à partir à la fois de ses regards féminin et aussi de ses pratiques épistolaires, on se rend compte que cette histoire du 18e, elle est évidemment autrement plus complexe, autrement plus ambivalente qu'une histoire d'un 18e qui serait seulement celui des philosophes des Lumières. Eh bien, je vous propose que nous écoutions justement une lettre de Madame Roland à Robespierre. Oui, une lettre datée du 25 avril 1792 et qui nous est lue ce matin dans le cours de l'histoire par Camille André. J'ai désiré vous voir, monsieur, parce que vous croyant un ardent amour pour la liberté, un entier dévouement au bien public, je trouvais à vous entretenir le plaisir et l'utilité que goûtent les bons citoyens en exprimant leurs sentiments, en éclairant leurs opinions. Je vous ai vu, avec peine, persuadé que quiconque avec des connaissances pensait autrement que vous sur la guerre n'était pas un bon citoyen. Je n'ai point commis la même injustice à votre égard. Je connais d'excellents citoyens qui ont une opinion contraire à la vôtre, et je ne vous ai point trouvé moins estimable pour voir autrement qu'eux. J'ai gémi de vos préventions, j'ai souhaité, pour éviter d'en avoir aucune en moi-même, de connaître à fond vos raisons. Vous m'aviez promis de me les communiquer, vous deviez venir chez moi. Vous m'avez évité, vous ne m'avez rien fait connaître. Et, dans cet intervalle, vous soulevez l'opinion publique contre ceux qui ne voient pas comme vous. Je suis trop franche pour ne pas vous avouer que cette marche ne m'a pas paru l'être. Camille André qui nous lisait une lettre de Madame Roland à Robespierre le 25 avril 1792. Madame Roland a cela de particulier qu'elle a une véritable action politique, également parce qu'elle a une vraie vision du monde. Alors d'où lui vient cette réflexion sur ce qu'est la liberté, la nation, la patrie? C'est quelque chose qu'elle a pu construire par ses lectures personnellement ou simplement par son entourage, éventuellement ses fréquentations, ou par ses lettres, par ses correspondances? Madame Roland, c'est une femme qui, très jeune, a lu en premier lieu les philosophes de l'Antiquité. Elle a une véritable passion pour Tacite, elle a une véritable passion pour Plutarque, et c'est une exaltée, Madame Roland, hein, c'est une femme qui, et on le voit très bien quand on la lit en premier lieu à partir de ses lettres, à partir de ses correspondances, c'est une femme qui a une véritable exaltation verbale. Elle a du lyrisme, elle a des formules grandiloquentes, et elle est pétrie de philosophie, elle est pétrie d'histoire, et en particulier d'histoire romaine. C'était l'une des plus cultivées. Hein, que ce soit aussi bien du point de vue de la culture philosophique ou de la culture historique, c'est une femme qui s'intéresse absolument à tous les savoirs, et on peut dire qu'elle a un bagage intellectuel, philosophique et historique qui est tout à fait impressionnant, que ce soit bien évidemment, si j'ose dire, pour une femme, mais tout simplement pour un de ses contemporains. Et elle est très clairement dès les premiers temps de la Révolution. Cette révolution, elle va l'épouser, elle va la faire sienne. Tout ce bagage, toutes ces connaissances qu'elle a pu acquérir au fil des ans, ça va lui servir évidemment aussi pour penser la révolution. Et on le voit, bien sûr, parfaitement, à partir de ces lettres qu'elle va écrire par centaines à différents correspondants. Ce sont des lettres clairement politiques. Et là, justement, on va quitter le registre privé, intime. Elle l'écrit sans détour à ses correspondants. Il faut qu'il puisse, dans ses lettres, pour avoir la matière première pour penser la Révolution. Donc, Madame Roland, on peut le dire, hein, c'est une autodidacte qui a énormément apporté à ceux que l'on appelle les Girondins, et en premier lieu, bien sûr, à son mari qui fut par deux fois ministre, Jean-Marie Roland. Cécile Berly, il y a un son que je voudrais vous faire écouter, c'est un extrait d'un film, un film intitulé « Les liaisons dangereuses ». Et oui, en écho au roman écrit par Pierre Chauderlot de Laclos en 1782, nous sommes au XVIIIe siècle, et s'il y a bien un livre qui évoque l'art épistolaire au XVIIIe siècle, ce sont « Les liaisons dangereuses ». Est-ce que ce serait vraiment très mal si je répondais à ces lettres en cachette ? En l'occurrence, bien sûr que oui. En l'occurrence, mais laquelle ? Voyons, ce n'est pas mon rôle de vous le dire, ma chère. Oh, si je ne vous aimais pas autant. Il faut parler. Votre mariage se fera bientôt. Avec qui ? Un homme que j'ai croisé jadis. Monsieur le comte de Bastide. De quoi a-t-il l'air ? Eh bien... Quoi ? Il vous déplaît ? Qui a dit cela ? Non, c'est un homme assez fantasque dans ses jugements et plutôt austère. Quel âge a-t-il ? 36 ans. 36 ? C'est un grand-père ! Quand cela se fera-t-il ? En janvier, il me semble. Je peux peut-être vous aider à écrire un mot à Monsieur Danceny. Oh, madame. Si vous me laissiez voir aussi bien ces lettres que les vôtres, mon enfant, cela pourrait peut-être me rassurer. Comment vous ferais-je lire celles que je lui ai déjà écrites ? Un extrait des Liaisons dangereuses, le film de Stefan Frears, sorti en 1988, en écho aux écrits de Chauderlot de Laclos au XVIIIe siècle. Y a-t-il un lien à tirer entre toutes ces lettres, Cécile Berly, dans le sens où nous avons ici une femme peintre qui écrit, nous avons une femme issue de la bourgeoisie et qui s'engage en politique, nous avons une femme issue de l'aristocratie, et puis avec les Liaisons dangereuses, nous sommes en pleine aristocratie, avec pas du tout d'ambition politique directement affichée. Mais malgré tout, pour l'histoire de la femme, l'ensemble de ces lettres veulent dire quelque chose. Ah, bien sûr qu'elles veulent dire quelque chose. Pour moi, ces lettres, c'est un premier jalon dans l'indépendance, qui sera évidemment une lutte longue, difficile, l'indépendance des femmes et leur reconnaissance progressivement dans le champ politique, dans le champ public. On revendique peu à peu une indépendance, une place dans la cité, et évidemment par ces écrits épistolaires, par la lettre, par l'écrit, on construit jalon après jalon l'indépendance des femmes, leur objectif étant sur un long terme de devenir des citoyennes à part entière. Donc il y a malgré tout cette construction, malgré tout, c'est malgré ses origines sociales et même malgré les ambitions premières d'écrire, un élément que l'historienne peut utiliser dans l'histoire des femmes pour trouver cette autonomie, avec toujours la question de l'espace public. Où se situe la femme dans l'espace public ? Où se situe l'indépendance ? Et malgré tout, dans tous les cas que nous citons, à part peut-être Madame Vigier-Lebrun qui gagne son argent en tant que peintre, il y a toujours la nécessité, c'est la société qui l'impose, d'avoir le soutien masculin. Ah, tout à fait. Et c'est en ça que ces femmes, évidemment, en tout cas avec nos regards actuelles, peuvent nous paraître ambivalentes, mais pour leur époque, pour leur temps, elles ne le sont pas du tout. On le voit parfaitement, par exemple, avec Madame Roland, qui est pour moi un personnage absolument incontournable de l'histoire de la Révolution française, qui est incontestablement très progressiste et qui est une républicaine tout à fait convaincue. Et tout ce qui pèse encore évidemment sur la place des femmes, sur la condition de ces femmes au cours et à la fin du XVIIIe siècle, Madame Roland l'incarne très bien, y compris dans tous ces paradoxes, dans toutes ces ambivalences. Du couple Roland, c'est Madame Roland, dès le début, le couple Roland se marie au début des années 1780. Du couple Roland, c'est elle la plume. Et quand je dis que c'est elle la plume, c'est-à-dire que c'est elle qui écrit à l'essentiel des correspondants du couple Roland et également des correspondants de son mari, c'est elle qui va rédiger un certain nombre d'articles, par exemple pour l'encyclopédie méthodique que Roland co-dirigeait, c'est elle qui va écrire à sa place un certain nombre de rapports pour l'administration. C'est elle qui va écrire un certain nombre de ses articles et au moment de la Révolution, c'est elle qui va écrire, bien évidemment, un certain nombre de ses discours en tant que ministre. Tout ça pour dire que dans l'entourage vraiment le plus proche, hein, qu'il soit familial ou amical du couple Roland, certains hommes disent à Madame Roland « Mais votre plume, c'est la vôtre, et pourtant c'est Jean-Marie Roland qui signe vos écrits. » Et elle... elle le prend extrêmement mal quand on lui dit ça, parce qu'elle n'a pas du tout l'impression d'être sacrifiée ou de se sacrifier. Pour elle, ce sont les termes du propre contrat social qui existe entre son mari et elle-même. C'est-à-dire qu'il est celui qui va aller dans le champ public et dans le champ politique, et elle est peut-être la plume, elle ne signe pas ses écrits, mais en tout cas, c'est elle qui tient la plume. Et c'est ça qui l'intéresse, de rester aussi hein, dans cet espace privé et domestique. Madame Roland, c'est une femme qui a aussi la passion de bien mener l'espace domestique. Elle adore, par exemple, commander en cuisine, préparer ses confitures. Tout ça, ça peut nous apparaître comme ambivalent, mais... pour elle, ça ne l'était pas du tout. Pour elle, c'était une question de contrat social dans lequel elle s'était totalement engagée et qu'elle devait impérativement respecter. Merci beaucoup, Cécile Berly, de nous avoir présenté ces trois femmes. Trois femmes, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Passé Composé. Madame Dudefant, Madame Roland, Madame Vigier-Lebrun. Merci à vous. Merci. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade. Une programmation assurée par Amélie Perrault. Des émissions à retrouver sur franceculture.fr ou bien en podcast. Demain, petit sujet, l'être objet de la violence, du fait guerrier. Oui, toutes ces petites choses qui nous parlent de la guerre avec Stéphane Audouin-Rouzeau. À demain.